La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'était le 4 septembre 2006 sur France Inter. La réalisatrice Michèle Bedos est aux commandes d'une nouvelle émission quotidienne entièrement consacrée aux sciences. Son titre, La tête au carré. Dans l'équipe, à l'époque, personne n'est scientifique. Le pari semble donc osé, un peu fou même. Et je peux vous dire que nous étions loin d'imaginer que l'émission durerait pendant 13 ans. À la fin de la semaine, La tête au carré va s'arrêter donc pour laisser place à la rentrée à La Terre au carré, un nouveau magazine quotidien sur l'environnement et la planète que j'aurai le plaisir de vous présenter. Et en attendant, je vous propose donc toute cette semaine de revenir sur les événements scientifiques qui ont marqué ces 14 saisons de Tête au carré, avec tous les jours un invité pour les commenter. Demain, nous serons avec la pneumologue Irène Frachon pour parler des scandales sanitaires, des lanceurs d'alerte. Mercredi, avec le paléoanthropologue Yves Coppens. Jeudi, avec le généticien Axel Kahn. Vendredi, avec Hubert Reeves. Et l'on commence cette semaine de rétrospective avec le physicien Étienne Klein. Il est avec moi dans un instant pour commenter justement les grands sujets en physique et en astrophysique qui ont marqué donc ces dernières années. Et si vous aussi d'ailleurs vous avez en mémoire des événements marquants dans ces domaines, vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, une drôle d'histoire de portefeuille perdu. Et oui, des chercheurs ont égaré volontairement des portefeuilles un peu partout dans le monde pour voir ce qu'ils deviendraient. On découvre leurs résultats surprenants dans un instant. Et on a hâte de savoir. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Étienne Klein. Bonjour. Bienvenue, ravi d'ouvrir ce bal finalement avec vous aujourd'hui, cette semaine avec laquelle nous allons revenir sur 13 années de science dans la tête au carré. Votre actualité est là aussi avec un livre, Qu'est-ce que la gravité, avec Philippe Brax et Pierre Van Hove, qui paraît donc chez Duno pour parler de ce grand défi de la physique. En tout cas, c'est le sous-titre de cet ouvrage. Étienne Klein, une des toutes premières têtes au carré qu'on a fait ensemble, c'était autour du sujet sur le temps, ce qui vous étonne pas beaucoup évidemment. Un des sujets, je trouve aussi, les plus compliquées à appréhender et à comprendre. Quand on fait comme ça un petit peu le retour sur tous ces sujets, le temps, c'est compliqué, justement, à mais saisir. On en fait quand même des sujets de bac. Ouais. Cette année, dans la série littéraire, l'un des sujets proposés était « Peut-on échapper au temps ?» Ouais. La réponse, c'est non. Il n'y a pas besoin d'argumenter, mais en l'occurrence, il fallait quand même le faire avec trois parties. Ouais, pourquoi c'est si compliqué, justement, à appréhender cette matière du temps? Parce que c'est un mot très ancien et on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière ce mot. On en parle de temps en temps comme si c'était un fluide. Mmh. Le temps s'écoule comme un fleuve. Tantôt comme si c'était une substance. Tantôt comme si c'était un produit de notre imagination. Donc il a un statut qui est mal défini. Et en plus, on utilise ce mot pour désigner autre chose que lui-même. Par exemple, on emploie le mot temps pour désigner la durée, ou bien la succession, ou bien la simultanéité, ou bien le changement, ou bien le devenir. Et ça fait un peu trop pour un seul mot. Donc il y a un gros travail de clarification verbale à opérer avant de pouvoir le penser pour ce qu'il est. Qui en parle le mieux, les physiciens ou les philosophes alors? C'est la grande question, parce que les physiciens en parlent, les philosophes en parlent, ils utilisent le même mot, c'est-à-dire qu'ils parlent de la même chose. Si la réponse est oui, disent-ils la même chose? Si la réponse est non, pourquoi c'est le même mot? En tout cas, vous essayez de les réconcilier depuis toujours. En tout cas, j'essaie de les faire dialoguer. Oui. Ouais, c'est toujours un sujet obsessionnel pour vous, le temps, Étienne Klein? Moins, parce que j'ai pris conscience de cette ambiguïté sémantique. Et je pense que tant qu'on n'aura pas fait un travail de clarification conceptuelle sur ce qu'on met derrière ce mot, chacun en parlera à sa guise, de façon parfaitement libre, sans qu'on essaie de voir la cohérence de son discours avec le discours d'autres spécialités. Est-ce que la gravité, c'est plus simple à comprendre que le temps, finalement? Si on prend la théorie d'Einstein de la gravité, qu'on appelle la relativité générale, et qui est l'objet du livre dont vous avez parlé, le temps change complètement de statut. Il garde le même nom, mais il change complètement de statut. L'espace-temps devient quelque chose de physique, et non plus un contenant invariable qui contient les phénomènes ou les objets. On en reparlera puisque, évidemment, on a tiré des archives des ondes gravitationnelles, par exemple. Ce sera l'occasion d'en discuter. Quand on regarde ces 13 années, justement, de tête au carré, Étienne Klein, il s'est passé quand même des choses dingues dans le domaine de la physique et de l'astrophysique. Ça a été quand même un bon d'histoire. Mais quand vous avez la date tout à l'heure du commencement de la tête au carré, 2006, ça m'a effrayé parce qu'on parlait du temps. Comment a-t-il fait pour passer aussi vite? J'ai l'impression que votre émission dynamique et débutante. Oui, c'est vrai. Mais elle va s'arrêter malgré tout à la fin de l'année. Bon, qu'est-ce que vous, il faut passer à autre chose. Comme d'autres, ouais. Et ça m'a surpris, mais vous continuez d'une autre façon. Si absolument. Et on parlera de science beaucoup également à la rentrée. On se retrouve dans un instant et on commande donc tous ces événements, quelques-uns en tous les cas depuis 2006. Vous êtes l'invité de l'émission Étienne Klein et les auditeurs nous rejoignent également sur franceinter.fr. Étienne Klein, on est en direct encore avec notre ami Eric Salvila. Mais je vais répondre à votre question tout à l'heure, puisqu'on va parler de portefeuille faussement perdu pour tester l'honnêteté humaine. C'est le sujet de la une aujourd'hui. Oui, Mathieu, et ce sont des chercheurs suisses et néerlandais qui ont tendu ce qu'on pourrait appeler des pièges psychologiques un peu partout dans le monde. Plus de 17 000 portefeuilles ont été abandonnés dans des hôtels, des banques, des musées de 355 grandes villes dans le monde, autour du globe. Et dedans, on trouvait une liste de courses, des clés, une carte de visite et plus ou moins d'argent, entre 0 et 90 euros environ. L'idée était toute simple, attendre et voir si les découvreurs tenteraient de contacter le propriétaire. Les résultats sont publiés dans la revue Science et on en discute avec vous, Bruno Humbeck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique et vous n'avez pas participé à l'étude, mais vous avez accepté de la commenter avec nous. Le résultat le plus surprenant, c'est le suivant. Plus la somme est grande dans le portefeuille et plus celui-ci a des chances d'être rendu. C'est assez contre-intuitif, non ? C'est tout à fait compréhensible. En tout cas, donc, on pouvait s'attendre, effectivement, parce que le principe même, ce qui est animé par le geste de rendre, c'est plus relié à l'estime dans laquelle on se porte. C'est-à-dire que si vous associez à votre image celle d'un voleur, et effectivement, si vous prenez un portefeuille avec 1000 francs de contenu ou 1000 euros, vous aurez le sentiment de voler. Beaucoup plus que si vous prenez une somme beaucoup plus insignifiante. Le principe, justement, c'est cette somme qui devient insignifiante, mais qui inévitablement va s'associer à l'image par laquelle vous vous portez. Alors, les auteurs, en imaginant l'étude, quand même, c'était basé sur les théories de l'économie et de l'enrichissement personnel, et eux-mêmes s'attendaient à des résultats assez différents. Alors, je pense effectivement qu'ils ont eu un modèle économiste, hein, alors que là, on est dans un modèle qui est beaucoup plus de construction psychologique, de construction identitaire. Et pour ma part, je suis pas du tout étonné par les résultats. C'est vrai que ces mécanismes-là prennent souvent le pas sur ceux de la rationalité pure et notamment de la rationalité économique. Donc, nouveau, le principe même, c'est comment je vais intégrer le fait de prendre cet argent dans une histoire que je raconte à propos de moi-même. Et c'est ça qui fait effectivement l'idée, qui était d'ailleurs déjà envisagée par Mauss dans l'idée de don et contre-don, par exemple. Si vous prenez 1000 euros, vous avez l'impression de les voler, et vous avez aussi, si vous avez l'impression de le voler, le sentiment que vous risquez d'être puni, et également associé à ce sentiment-là, l'idée que vous pourriez éventuellement être amené à le rendre. Oui. Si la somme est insignifiante, vous n'avez pas le sentiment que vous risquez d'être puni, et vous avez en plus l'idée que de toute façon, vous pourriez le rendre si jamais vous étiez amené à le faire. Oui. Et donc cet élément-là, à mon avis, a pris largement le pas dans la construction mentale que les personnes faisaient de l'événement. Mais dans cette réponse, il y a quand même quelque chose d'assez étrange, parce que est-ce que l'honnêteté, c'est seulement la peur d'être perçu comme malhonnête ? C'est un peu comme ça que vous le décrivez. Non, l'honnêteté, c'est l'image dans laquelle je me trouve honnête. Donc c'est la petite histoire qu'on raconte autour de ce qui est produit. Si vous prenez 1000 euros, vous pouvez très bien vous dire, mais cette personne-là n'en a probablement pas besoin puisqu'elle a énormément d'argent. Et donc vous avez un rapport, une histoire qui va se construire, dans laquelle là vous allez les garder, vous allez dire elle n'en a pas besoin. Par contre, si vous commencez à imaginer une histoire dans laquelle une personne a mis toutes ses économies à l'intérieur, vous avez une histoire qui va se raconter autour du geste. Et à partir de là, vous allez le remettre, alors que toute cette histoire est plus difficile pour, dans nos sociétés en tout cas, d'opulence, à construire autour de 10 euros. 10 euros, on n'a pas le sentiment de priver quelqu'un de manière importante. C'est d'ailleurs tout le problème de ce type de recherche. Et le mot que vous utilisez, le mot honnêteté, n'est pas un mot qui est susceptible d'être évalué par une véritable recherche. On ne vérifie pas l'honnêteté, on vérifie un ensemble de comportements. C'est l'interprétation morale, qui d'ailleurs est dans le cadre de cette recherche terriblement dangereuse. C'est l'interprétation morale qui va vous faire juger un comportement honnête ou pas honnête. Est-ce qu'il y a une somme à partir de laquelle on a plus de portefeuilles rendus que pas rendus ? Est-ce que cette somme veut dire quelque chose ? Alors, elle est signifiante ou insignifiante pour vous, et c'est pour ça que si vous êtes au Kenya, par exemple, et que vous trouvez 10 euros, ça devient très signifiant pour vous, alors que si vous retrouvez le même portefeuille en Suisse, c'est beaucoup moins signifiant. Le principe aussi, et vous l'avez très bien rappelé pendant l'exposé de la recherche, c'est que ces portefeuilles n'ont pas été déposés n'importe où, mais dans des endroits profondément humains, des banques, des espaces sociaux. J'aurais voulu voir la même enquête, la même recherche, réalisée sur des portefeuilles déposés sur un chemin dans un bois. Et probablement qu'on aurait eu des résultats significativement différents. Alors les auteurs vont quand même un peu plus loin dans l'étude, puisqu'ensuite ils classent les différents pays testés en fonction de leur honnêteté, selon eux. Est-ce que vous pensez que cette partie de l'étude est intéressante ? Alors c'est non seulement inintéressant, mais je ne comprends même pas comment un chercheur, quelqu'un qui a une éthique de recherche, peut diffuser ce type de classement. Quand vous voyez par exemple qu'un quotidien suisse explique « les Suisses sont plus généreux que les autres », ce qui arrive en deuxième position derrière les Danois, et qu'on met tout au fond du classement le Kenya par exemple, c'est-à-dire des pays où effectivement les 1000 euros que vous allez trouver ont un sens tout à fait différent, ça vous permettra sans doute de nourrir votre famille pendant des semaines, voire des mois, alors qu'en Suisse, on est effectivement dans l'idée qu'on pourrait améliorer la qualité de ses loisirs. Et donc, le gros problème de ce type de classement, et dans la manière de s'interpréter notamment par, je vais dire, sans doute pas là par les chercheurs, mais par du journalisme sauvage, c'est qu'on revient très très vite dans des thèses essentialistes du style « les Blancs sont généreux altruistes » et « les Noirs, il ne faut pas trop compter dessus pour le faire » et on est dans des registres qui permettent une interprétation parfois terriblement dangereuse. C'est pour ça que l'idée d'un classement est complètement à l'opposé de l'image que je me fais, en tout cas de la recherche. Si on devait imaginer une conclusion un peu différente à cette étude qui a l'air intéressante quand même et plus globale sur la psychologie humaine, qu'est-ce que vous diriez, vous ? Alors je dirais que chez un être humain, tout doit être interprété en fonction de l'histoire dans laquelle il se porte, c'est-à-dire l'histoire qu'il raconte à propos de lui-même, et la signification d'un comportement ne peut être envisagée qu'en fonction de cette histoire, et donc finalement est systématiquement reliée à l'estime dans laquelle chacun se porte. Il y a d'ailleurs quelque chose dans l'étude qui va dans votre sens, c'est que quand on trouvait une clé, c'est-à-dire quelque chose de très personnel dans le portefeuille, il était aussi plus rendu. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors, il y a aussi un petit calcul très rapide qu'on fait dans l'idée de est-ce que je vais recevoir, en fonction du geste que je pose, une forme de gratification. Si vous rendez un objet significatif pour l'autre, mais pas pour vous, parce que la clé de la maison d'un autre, forcément, n'est pas significative pour vous, eh bien, vous aurez un retour sur investissement avec quelqu'un qui va être particulièrement heureux de vous voir ramener sa clé, alors que vous-même, vous n'aviez aucun intérêt à le garder. Et donc, c'est ce petit calcul dans l'investissement du geste et ce que je peux recevoir, mais d'humain en retour. Et ça, c'est plutôt encourageant sur le plan du fond d'humanitude qui nous relie les uns aux autres. Est-ce qu'on peut nous-mêmes se positionner à la place de celui à qui on va rendre le portefeuille ? C'est-à-dire, si pour nous, 10 euros, c'est quelque chose, dans ce cas-là, on va les rendre. Si pour nous, 100 euros, c'est quelque chose, on va les rendre oui ou non ? Alors, c'est très, très compliqué dans le cas d'une recherche comme ça, comme celle-là, de se mettre à la place d'eux. Parce que nous sommes dans un schéma théorique. Et dans le schéma théorique, on veut tous préserver fortement l'image dans laquelle on se porte. Donc je pense que théoriquement, chacun d'entre nous pense « je remettrai le portefeuille ». Sauf en cas d'extrême nécessité, et si cette somme d'argent, et de nouveau là ça dépendra de votre situation économique, mais encore plus de la situation économique du pays dans lequel vous vous trouvez, vous aurez 100 euros qui vont signifier de la subsistance pour certains, de la survivance pour d'autres et du luxe pour d'autres. Et en fonction de la signification que vous attribuerez à cette somme, bien vous aurez sans doute des comportements différents, y compris dans votre imagination. Bruno Imbeck, notre invité Étienne Klein, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Vous souhaitez réagir, Étienne Klein ? Moi, j'ai perdu mon portefeuille, on l'a ramené. J'ai embrassé la personne qui me l'a rapporté. Mais j'avais une question à propos d'une étude plus ancienne dont je ne connais pas la valeur, qui calculait l'espoir qu'on a de retrouver son portefeuille si on l'a perdu en fonction des pays. Et il semblerait que en France, et c'est pas une étude sur les résultats obtenus, c'est qu'est-ce que les gens pensent de cette probabilité. Est-ce que quelqu'un va leur rapporter leur portefeuille s'ils l'ont perdu ? Et en France, on est très pessimiste à ce point de vue. Alors que paraît-il, c'était la conclusion de l'enquête, dans les pays du Nord, la confiance est beaucoup plus grande. Oui. Au Japon, la confiance dans l'autre. Aussi, hein. La confiance dans l'autre. Oui. Axel. Je voulais peut-être entendre une réponse de Bruno Imbeck à ce sujet, si rapidement pour terminer. Ah, parce que là, on est effectivement dans l'enquête qui vient d'être signalée, on est dans l'idée qu'on se fait d'une société. C'est pas du tout de soi dans cette société. Et donc, c'est une image globale de la société dans laquelle on se trouve. Effectivement, les Français ne sont pas reconnus pour leur optimisme fondamental. Merci en tout cas Bruno Imbeck, vous qui êtes psychopédagogue à l'université de Mont-Saint en Belgique. On peut signaler un de vos derniers ouvrages peut-être, profitons-en. Il y en a un qui sort très prochainement aux éditions Dick Jacobs sur le harcèlement. Et ce sera à la rentrée probablement ? À la rentrée. Très bien, merci beaucoup Bruno Imbeck, bonne journée à vous. À bientôt. Et Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les 13 anneaux d'Uranus qui dévoilent leur subtilité aux chercheurs, très faiblement lumineux et donc beaucoup moins connus que ceux de Saturne. Les anneaux d'Uranus ont été pour la première fois détectés en 1977 et aujourd'hui, la première image thermique de ces anneaux vient donc d'être publiée par l'université de Berkeley et les chercheurs confirment qu'ils sont étranges, fins et froids autour de moins 198 degrés Celsius. Ils sont surtout très présents des anneaux de Saturne car plus poussiéreux et composés de beaucoup moins de gros morceaux. Les Américains veulent intervenir sur la peau de leurs soldats pour les protéger des moustiques. Le programme nommé Revector est lancé par la DARPA et va tenter donc de modifier directement le microbiote cutané humain. La première étape va consister à repérer dans les bactéries et les champignons naturels de la peau les plus répulsifs pour les moustiques, pour ensuite les favoriser à l'aide de probiotiques. Le traitement final se veut réversible et adapté à toutes les peaux. Et puis pour terminer, le premier hybride de beluga et de narval vient d'être confirmé. Un crâne étrange, découvert en 1990 au Groenland, a longtemps posé problème aux spécialistes des cétacés. Les chercheurs n'arrivaient pas à le classifier. Aujourd'hui, une analyse ADN pointue leur donne la clé du mystère. Il s'agit de l'enfant d'un mâle narval et d'une femelle beluga. Bien que le flux génétique entre les deux espèces ait cessé il y a environ 1,5 million d'années, bien les hybridations sont donc toujours possibles. Allez, Étienne Klein, notre invité témoin dans un instant pour cette dernière semaine de Tête au Carré. Des petits malins grosses serrés du trou, ou des jolis voluptueux qui vous attirent le bout des yeux pour mieux leur passer les menottes. Marrer ma solitude, mon cafard et mes habitudes à celles des piliers d'abreuvoir. J'en ai eu marre de les voir s'écrouler sur eux-mêmes en se raccrochant à des histoires qui tiennent pas debout. Ces petites histoires qui vous entraînent au fil des heures, des jours, des semaines, de soirs pisseux en matin blême, direct au trou. Dans l'œil du voisin, poil dans la main, poil dans la main, c'était Jacques Higelin sur France Inter. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà l'aventure de la tête au carré qui s'arrête vendredi après 14 saisons et nous revenons donc toute cette semaine sur les moments marquants de l'émission avec aujourd'hui notre invité, le physicien Étienne Klein. Et bien sûr, vous nous rejoignez avec vos messages, vos témoignages, vos questions pour nous dire ce que vous retenez de ce domaine de la physique ou de l'astrophysique qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de questions pour vous, Étienne Klein. Étienne qui recherche l'anagramme de la tête au carré. Vous nous l'aviez donné à l'antenne. Il y a peut-être des auditeurs qui l'ont d'ailleurs. J'espère. J'essaie de le retrouver, mais je sèche. Si vous avez l'anagramme donc de la tête au carré, envoyez-le nous sur franceinter.fr. Il y a éclat aérateur qui est déjà pas mal, mais c'était pas celui-là. C'était pas celle-là parce que c'est tout féminin. C'en était un autre. Étienne Klein, physicien au CEA, docteur en philosophie des sciences, et donc ce livre qui est aussi dans votre actualité, Qu'est-ce que la gravité, avec Philippe Brax et Pierre Van Hove aux éditions Duno. On va en parler tout au long de l'émission. Et vous qui êtes d'ailleurs à la fois du côté du scientifique, mais également maintenant de l'homme de radio depuis un moment d'ailleurs, vous invitez donc les chercheur à votre micro, comme vous le faites sur France Culture avec la conversation scientifique, c'est le samedi de 16h à 17h, ça continue d'ailleurs à la rentrée. Les deux exercices sont très différents pour vous, chercheur d'un côté, scientifique, et intervieweur, homme de radio de l'autre. Le piège, c'est quand on invite un physicien. Ouais. Et qu'on oublie l'auditeur dans la conversation. Ouais. Et donc tout le travail, c'est d'essayer de faire en sorte que la discussion n'exclue pas celui qui écoute, en imaginant ce qu'il comprend de ce qu'on dit. Absolument. Sans qu'il y ait d'acronyme, sans qu'il y ait d'impasse dans l'explication, en essayant d'être clair et compréhensible. Donc éviter l'entre-soi, évidemment. Est-ce que les scientifiques français sont en général de bons vulgarisateurs ou est-ce qu'ils se prêtent facilement à l'exercice? Je n'ai pas eu de refus lors des invitations que j'ai pu faire et mais trouve qu'en France, on est assez gâtés. Il y en a beaucoup de gens qui ont plaisir à partager leurs connaissances, à les mettre en culture et même à mettre de la culture dans leur connaissance. On dit souvent il faut mettre la science en culture. Mais je trouve que ce que vous faites à la tête au carré, c'est toujours jusqu'à la fin de la semaine, de mettre de la culture dans la science. Et ça me semble une démarche beaucoup plus efficace, entre guillemets, que de dire aux gens, vous devez apprendre la science pour être de bons citoyens. C'est-à-dire d'avoir une conception un peu scolaire de la démocratie. Je pense que la science, dans son histoire, elle porte de la culture, elle l'irrigue, elle en est elle-même innervée d'une certaine façon, et c'est cette interaction-là que j'essaie de promouvoir dans l'émission. Oui. Et alors justement, vous, en tant que vulgarisateur aussi de science, Étienne Klein, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller comme ça, à ce point, vers le public et de partager, au fond, les connaissances? C'est-à-dire que les canaux de communication, aujourd'hui, font circuler des connaissances, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires, des fake news, des mensonges, qui sont des choses qui ont des statuts, évidemment, en rapport avec la vérité, qui sont complètement différents. Mais le fait que ce soit vectorisé dans les mêmes canaux fait que les statuts respectifs se contaminent. Les connaissances sont considérées comme des croyances, les croyances comme des sources de connaissances, les opinions comme des arguments, etc. Et cette confusion me paraît problématique en démocratie, parce que je pense que l'idée de démocratie ou de république a à voir avec la possibilité qu'ont les connaissances scientifiques de circuler librement, sans entrave et sans être trop déformé. Et là, le scientifique a un rôle à jouer, alors ? Il me semble, et je trouve que la France le fait plutôt bien par rapport à d'autres pays que je peux fréquenter. Il y a des pays où il y a peu de gens qui font la vulgarisation. Et donc, le public est complètement coupé de la science et davantage, sans doute, manipulé. Pourquoi le public se passionne autant pour des sujets aussi difficiles que ceux de la physique, Étienne Klein? Ça, c'est quand même incroyable, parce qu'on voit, dès qu'on parle de trous noirs, de matière noire, d'ondes gravitationnelles... Parce que ce sont des objets qui ne sont pas familiers et qu'on a pu découvrir que grâce à des équations. Autrement dit, c'est la théorie qui a servi de treuil ontologique, qui a permis aux physiciens de prévoir l'existence de sortes d'objets qu'on n'avait jamais vus. Et donc, par des équations, on peut prédire des nouveaux éléments de réalité. Et ça, je pense que c'est évidemment fascinant, et le public y est sensible. Alors là, on vit ensuite une époque géniale, parce qu'on a l'expérimentation maintenant qui prouve en plus cette théorie. Et on aimerait bien aussi des observations qui montrent que les théories sont fausses. Ouais. Ça, on n'a pas. C'est vrai. C'est... Et du coup, on est dans une forme d'impasse, parce que la physique quantique, qui date des années 20 continue d'être la physique de référence pour décrire trois des interactions fondamentales. Et la relativité. La relativité générale pour la gravitation de 1915, jamais prise en défaut. Aussi solide. Et pourtant elles sont contradictoires, et elles sont jamais prises en défaut. Donc il y a quelque chose d'assez excitant dans cette situation paradoxale. Mais on n'y est pas encore, alors apparemment. Le 10 octobre 2007, Étienne Klein, un an après le début de la Tête au carré, l'émission était encore fraîche, autant c'était vous le dire. Pour. Ouais. Et on recevait notre premier prix Nobel. Il s'appelle Albert Fert, il est physicien justement, et l'annonce de son Nobel venait tout juste d'être faite. Et je peux vous dire qu'on n'en menait pas large, en particulier à cause de son sujet de recherche, la magnétorésistance géante, et son apport dans la spintronique des électrons. Alors je vous propose de réécouter le début de l'émission avec le générique de l'époque qui était le nôtre en 2007. L'émission était réalisée par Violaine Ballet et on va entendre la voix d'Albert Fert. Alors, La Tête au carré. À l'intention des auditeurs curieux de connaître l'évolution des sciences modernes. La Tête au carré, c'est à la fois la tête dans le carré et puis le carré dans la tête. La pure connaissance scientifique. C'est La Tête au carré. On va faire une minute de méthodologie, mais dans un magazine scientifique, ça devrait être autorisé. Ça va. La tête au carré. Tenez-vous bien, bien. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de notre Tête au carré avec donc un invité exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir le prix Nobel de physique 2007, Albert Fert. Bonjour. Bonjour. Bravo tout d'abord, on doit vous dire ça tout le temps en ce moment. Félicitations bien sûr. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes depuis 24 heures au cœur de la cohue médiatique. Comment s'est passée votre première journée de prix Nobel ? Beaucoup de journalistes, quelques télévisions et ensuite une grande fête le soir. Oui. C'était votre premier 20h hier ? C'était le premier 20h, oui. Alors comment est-ce que vous avez appris d'abord que vous aviez reçu ce prix Nobel ? Je crois que vous étiez en réunion j'étais hier. J'étais en réunion au CNRS, conseil scientifique du CNRS. J'avais mon portable dans la poche. Il s'est mis à vibrer vers midi moins le quart. J'ai eu un pressentiment, je suis sorti. À Stockholm. Yes, Professor Fert, I'm calling from the Nobel Committee in Stockholm. Donc un bond en arrière. et le souffle coupé. Ouais. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, vous avez permis donc le dopage des capacités de mémoire dans le domaine de l'informatique, de l'électronique, de la téléphonie. Oui, c'est une découverte de 88, la découverte de la magnétorésistance géante a pu être utilisée rapidement pour aux têtes de lecture des disques durs qui ont permis de détecter des inscriptions beaucoup plus petites, comme on l'a dit, et donc de stocker beaucoup plus d'informations sur le même disque. Et la capacité des disques a été multipliée par 200, 300. Alors, nous, actuellement, des disques durs très contenant beaucoup d'informations. Ce qui est très amusant, Albert Fert, lorsqu'on a essayé de vous joindre hier sur votre portable, c'est que vous aviez reçu tellement de messages que la capacité de stockage de votre propre téléphone était complètement saturée. Donc vous n'aviez pas pris l'option prix Nobel en achetant votre téléphone mobile. Non, c'est un téléphone mobile sans disque dur. Sans disque dur et sans magnétorisant géant. Voilà. Voilà, Étienne Klein, c'était Albert Fert en octobre 2007. Notre premier prix Nobel, on n'en menait pas large, évidemment, pour parler de ce thème de la magnéto-résistance géante. Je me souviens qu'on a même parlé rugby, d'ailleurs, avec lui. Oui. Il fallait quand même élargir un peu la discussion. Il était prévu, d'ailleurs, qu'il fasse un débat avec Johnny Wilkinson, et il n'a pas pu venir. Il a c'est été remplacé, remplacé par Georgiopoulos. Et moi-même, j'ai dû prendre des cours de rugby grâce aux journalistes de l'équipe. En accéléré, c'est j'ai ça. J'ai jamais joué au rugby, je sais pas comment ça marche, mais j'ai été formé par les journalistes. Il faut dire que vous avez parlé physique quantique avec Johnny Wilkinson. Oui, parce que Johnny Wilkinson avait donné une interview au journal Le Monde dans lequel il déclarait sa passion pour la physique quantique. Ouais, il disait même que ça lui avait sauvé la vie, apparemment. Ça avait sorti de la dépression, en tout cas. Ouais, donc c'est une discussion. Il a fait une dépression après la victoire de l'équipe anglaise à la Coupe du Monde de rugby. Et la physique quantique, disait-il, l'avait sorti de son trou. Ouais. Donc ça, c'était évidemment à la place d'Albert Fert. La découverte d'Albert Fert a changé la vie des gens. Bien sûr. Vraiment un prix Nobel au sens que Alfred Nobel donnait à ce prix d'avoir des applications technologiques rapides. Mais c'est les deux, au fond. Et il a ouvert la voie à ce qu'on a appelé par la suite la spintronique, qui a remplacé l'électronique dans beaucoup de secteurs. Ouais. Et donc, effectivement, les capacités de stockage de notre téléphone portable posé ici, là, sur la table. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de recherches fondamentales. C'est à la base de ces applications extraordinaires. C'est la déclinaison technologique de la physique quantique qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, on a vu beaucoup, en 13 ans, Étienne Klein, les chercheurs défendre cette recherche fondamentale, particulièrement extrêmement malmené, et ça continue d'ailleurs toujours. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a eu une sorte de dégradation au fil du temps ? Je ne saurais pas dire ça de façon rigoureuse, mais en tout cas, dans le cas d'Albert Fert, l'application à laquelle son travail a abouti n'avait pas été envisagée lors de ce travail. Autrement dit, on sait en général ce qu'on fait, on ne sait jamais dire ce que va faire ce qu'on fait. Et les Nobel de physique, on en a beaucoup également en France. Hein. Est-ce qu'il y a une école française particulière de physique, comme il y a une école de mathématiques ou pas ? Bah, ceux qu'on a sont assez proches du laboratoire LKB de l'école normale. Claude Cohen-Tanoudji. Donc c'est un domaine particulier aussi de la physique. Serge Roche. Oui, c'est la physique quantique, l'interaction entre la lumière et la matière, d'une façon générale. Et une école française très, très forte. Absolument. Et plusieurs Nobel, on a pu le vérifier tout au long de ces années. On se retrouve dans un instant. On ira inaugurer le LHC ensemble. Et vous avez contribué largement, Étienne Klein, à l'existence aussi de cet accélérateur de particules. Non, c'est des milliers de gens. Vous avez réfléchi en tout cas à la question. Au CERN, oui. Allez, on se retrouve dans un instant. Et les messages des auditeurs sur franceinter.fr. De la base au sommet, il n'y a que quelques phrases. Je fais mine comme tout le monde de croire que ce qui compte, présenté en façade, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Homme ou femme, je ne vois, caché derrière un mur de données, je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je fais mille de mille feux, même si juste derrière, sans doute du désert. Apparence, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Cascade, c'était la voix de Jérôme Minière à l'instant. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, dernière semaine de Tête au Carré avant une nouvelle aventure à la rentrée avec une émission autour de l'environnement qui s'appellera La Terre au Carré. Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, Étienne Klein, ce passage d'une émission de science à une émission environnementale ? Mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus conscient de ce qui se passe avec la Terre, dans l'atmosphère terrestre, dans l'environnement, avec la biodiversité, et que nos regards ont tendance à se porter vers elle beaucoup plus que vers le ciel. Ouais. Qu'on voit d'ailleurs de moins en moins à cause de la pollution lumineuse. Ouais. Il y a une étude d'ailleurs qui montre que la proportion d'humains qui ont vu la Voie lactée décroît très fortement. Et j'ai l'impression que quand on parle de l'univers, c'est plutôt par le biais de photos, par le biais d'images qui sont diffusées, beaucoup plus que par un regard direct. Et pourtant, c'est aussi la nature, finalement, là. Oui. Tout ce qui se passe dans l'espace. Hein. Oui, moi, j'ai l'impression que le destin de la Terre nous préoccupe, à juste titre, et qu'on va focaliser nos regards vers notre planète plutôt que vers le ciel. J'ai l'impression qu'en tout cas, c'est une tendance. Donc il y a un petit regret quand même dans ce que vous nous dites. Je pense qu'il faut pas oublier que, par exemple, la photo du trou noir qui a été publiée il y a quelques semaines, photo extraordinaire, doit nous rappeler qu'il existe dans l'univers des objets très très différents de celui dont nous avons l'habitude et sur lequel nous vivons. Oui, la première photo, image historique. Image, c'est pas une photo. On parle pas de photo. Ouais. Image historique d'un trou noir. On l'a vécu en avril dernier, avec cette collaboration internationale de radiotélescopes et d'observatoires, l'Event Horizon Telescope, qui a capturé donc cette première image de ce trou noir supermassif de la galaxie M87, situé à 53 millions d'années-lumière de nous. On consacrait évidemment une tête au carré spéciale à cet événement le 11 avril. On en écoute un extrait. On va retourner à Bruxelles hier à 15h. C'était au moment de la conférence de presse sur plusieurs lieux de la planète. D'ailleurs, avait lieu en même temps la révélation de cette image. On va entendre l'astrophysicien Aino Falke. We are looking into space towards a galaxy, a giant galaxy 500 billion kilometers away from us. I never believed that this black hole was as big as people said until we saw that. This is the nucleus of the galaxy M87, and this is the first ever image of a black hole. C'est la première image d'un trou noir. Voilà, c'était en avril dernier, en tout cas, l'annonce. Et ce travail est absolument hallucinant, quand même, Étienne Klein. Hallucinant, les trous noirs qui sont une solution mathématique des équations d'Einstein, à laquelle Einstein ne croyait pas. Absolument. Alors qu'Einstein croyait à l'existence des ondes gravitationnelles, mais pensait qu'on ne pourrait pas les détecter. Donc, ça serait intéressant d'imaginer la réaction d'Einstein voyant l'image d'un trou noir et voyant des ondes gravitationnelles détectées, produites par une fusion de deux trous noirs. Ouais. Vous-même, vous ne pensiez pas un jour dans votre vie de physicien voir cette image-là ? Non, j'ai un très mauvais sens de l'anticipation. Ouais. Comment vous la trouvez d'ailleurs esthétiquement parlant ? Qu'est-ce qu'elle vous... Elle est tellement remarquablement identique à ce que les calculs avait permis d'envisager, que ça valide une fois plus la théorie d'Einstein de la gravitation, alors qu'on aimerait en voir des limites pour voir quelles sont les meilleures pistes pour essayer d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Pour décrire les premières phases de l'univers. Ouais. Et c'est la deuxième validation après les ondes gravitationnelles, finalement, de la relativité générale d'Einstein. C'est une validation au sens... On ne voit pas d'écart par rapport à ce que la simulation ou les calculs permettent d'envisager. Et donc, c'est une théorie qui a l'air de vraiment bien marcher. Elle date de 1915, à une époque où, par rapport à aujourd'hui, on avait très peu de données sur l'univers. On ne savait évidemment pas que l'univers est en expansion. On ne savait pas d'où vient que les étoiles brillent, puisqu'on n'avait pas découvert les forces nucléaires. On connaissait en guise d'objets célestes que les étoiles, les planètes, les comètes, les météorites, c'est tout. On connaissait pas les pulsars, les étoiles à neutrons, on savait pas comment marchent les étoiles. Et Einstein, sans se baser sur l'observation, trouve les bons concepts, écrit avec l'aide de mathématiciens les bonnes équations, qui sont celles qu'on utilise encore en 2019 pour faire de la cosmologie. Ouais. Et en plus, les ondes gravitationnelles, c'est le produit de la fusion de deux trous noirs. Donc il y a tout eu. On vit des années assez incroyables, mais comme s'il fallait attendre 100 ans pour que des théories comme celle d'Einstein soient vraiment... validées et conduisent à des moyens de détection parfaitement adaptés à ce qu'elles prédisent. Mais on aurait pu aller plus vite, au fond, ou pas ? Les ondes gravitationnelles, vous avez fait une émission dessus, vous connaissez la sensibilité qu'il faut avoir pour pouvoir isoler le signal du bruit de fond, donc les technologies n'étaient pas là. Et Einstein lui-même, je l'ai dit, pensait qu'on n'aurait jamais les technologies pour les détecter. Il s'est trompé. Jean nous dit, fidèle à vos discours, Étienne Klein, je ne trouve pas de réelle notion du futur. Existe-t-il ? Alors voilà les questions qu'on aborde également... Moi, j'ai pas écrit sur le sujet, mais j'ai fait des conférences sur le sujet. Le futur existe-t-il déjà dans l'avenir? En fait, il y a une interprétation de la relativité d'Einstein, de la relativité restreinte, qui invite à considérer que l'espace-temps existe de toute éternité. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc. Donc, l'espace-temps a toujours été là. Et les événements dans l'espace-temps sont tous présents en même temps. Ceux du passé sont là. Ceux qui sont présents, c'est ceux qui correspondent à l'endroit où se trouve notre propre présence. Et ceux du futur sont déjà là, mais nous n'y sommes pas encore. Et donc, dans cette conception, le futur existe déjà, et nous n'y sommes pas encore arrivés. Mais c'est une interprétation qui est contestée par ce qu'on appelle le présentisme. Bref, c'est un sujet de débat. Ah, le présentisme, mais est-ce que le futur existe déjà dans l'avenir? Ou est-ce qu'à l'heure où je vous parle, le futur est encore du néant. Ouais. Ce serait une belle question pour le bac, c'est un peu complexe quand même. Hein. Oui, mais alors la question c'est, est-ce que vous la traitez uniquement à partir de considérations philosophiques, ou est-ce que vous y mettez un peu de physique? Et les deux, Les deux sont séparés dans l'enseignement, donc je ne crois pas qu'on puisse les associer dans des copies. Ouais. Pierre nous dit, en savons-nous plus sur la réalité des trous noirs et leur composition, Étienne Klein? Leur composition, non, mais en tout cas, il y a des tests qui sont effectués en ce moment à propos de cette fameuse image, de voir comment on pourrait augmenter sa sensibilité et notamment déceler le fait que certains effets quantiques pourraient jouer dans la constitution de cette image. D'autres questions, c'est Jean-Pierre sur franceinter.fr. La relativité générale rend-elle compte correctement des dernières découvertes de l'astrophysique? L'introduction de la matière noire et de l'énergie noire semble révéler, relever du grand écart scientifique. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui cherchent à améliorer le formalisme d'Einstein, voire de le remplacer par un nouveau? Absolument, mais c'est une grande question qui est posée là. Parce que quand il y a un écart entre ce que prédit une théorie et une observation ou une mesure, il y a deux solutions, si on a confiance dans les mesures. C'est soit on dit la théorie est juste, et malgré cet écart, il doit exister quelque chose dans l'univers qu'on ne connaît pas, dont l'existence rétablirait l'accord entre les prédictions de la théorie et l'observation. Ça, c'est la matière noire. On dit qu'il y a de la matière noire, et si elle est là, alors tout va bien. Ou au contraire, on dit, c'est la preuve que la théorie doit être modifiée, et on cherche ce qu'on appelle des théories de gravité modifiées, permettant de tenir compte de ce qu'on observe en termes de dynamique des galaxies, sans avoir à invoquer l'existence d'une matière noire ou d'une énergie noire. Et alors, les chercheurs qui cherchent à améliorer le formalisme d'Einstein, justement, voire de le remplacer par un nouveau, c'est une quête parfaitement logique et normale. Et c'est à la nature de décider qui a raison. Ceux qui pensent que la matière noire existe et cherchent de quoi elle est constituée, et ceux qui pensent que la matière noire n'existe pas et que donc on doit changer notre compréhension de la gravitation à grande échelle. Étienne Klein, nous retournerons en 2008 dans un instant à l'occasion de l'inauguration d'une machine absolument incroyable, une des plus grandes expériences scientifiques, c'est le LHC, l'accélérateur de particules du CERN, et on verra ça dans quelques minutes, juste après Cassius. My time. Let Me Be, c'était Cassius à l'instant. La tête au carré sur France Inter. Voilà Étienne Klein, notre invité, pour bien parler de ces 13 années de tête au carré, et puis également une actualité pour vous avec ce livre, Qu'est-ce que la gravité ? Le grand défi de la physique chez Dunod. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Comment il faut interpréter cette sous-phrase, là, le grand défi de la physique ? En quoi c'est un grand défi aujourd'hui ? En fait, l'idée, ça a été d'organiser un colloque avec mes collègues Pierre Vanov et Philippe Brax, avec des physiciens, des philosophes, des théoriciens, pour réfléchir à la gravitation. Ouais. Qu'est-ce qu'on comprend ? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ? Comment trouver un moyen de l'unifier avec la physique quantique dont l'espace-temps n'est pas le même que celui qu'envisagent les équations d'Einstein. Mmh. Parler des ondes gravitationnelles. On n'a pas parlé de l'image du trou noir parce c'était que c'était trop tard. On l'a pas vu venir. Mais il y a beaucoup de questions qui se posent parce que c'est une interaction, la gravitation, qui n'a pas le même statut que les autres. Ouais. Et la différence entre la gravité et la gravitation? Ben, j'en vois pas. Bon, on peut aller deux. Oui, hein, on peut dire l'un ou l'autre, évidemment. Alors, Étienne Klein, le 17 juin 2008, la tête au carré était en direct du CERN à Genève, hein, pour une émission exceptionnelle à l'occasion du démarrage du LHC. On peut décrire cette machine. On la décrit d'ailleurs comme la plus grande expérience scientifique. Est-ce qu'il est juste de dire c'est comme un anneau, donc dans un tunnel de 27 km de circonférence, au sein duquel est figuré un tube. Hmm. Dans lequel il y a un vide très poussé et au sein duquel circulent des protons dans les deux sens. Ouais. Et qui collisionnent deux fois par tour, à la vitesse de la lumière. Ouais. On va écouter justement cette archive de 2008 et nous étions donc à Genève. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale en direct du CERN de Genève. Nous sommes installés avec le public au cœur du plus grand laboratoire de physique des particules du monde, dans le globe de la science et de l'innovation à quelques mètres de la France. Globe qui a été construit entièrement en bois, il fait 27 mètres de haut, 40 mètres de diamètre, qui représente à peu près la taille de la coupole de Saint-Pierre de Rome. Et le globe, c'est un peu la porte d'entrée du CERN qui a été fondée en 1954 sur la frontière franco-suisse. C'est donc le temple de la physique des particules, né de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Et c'est véritablement le lieu de tous les superlatifs. J'ai croisé depuis hier des physiciens du monde entier qui viennent travailler sur la découverte des constituants et des lois de l'univers. Et pour justement étudier les particules fondamentales, ces composantes minuscules de la nature, ils utilisent des instruments scientifiques très complexes qui se trouvent à des dizaines de mètres sous nos pieds et qui leur permettent de sonder les constituants ultimes de la matière en observant les collisions des particules. On va emmener les auditeurs au cœur de l'accélérateur, dans les entrailles de cette super machine. Alors on arrive dans le tunnel même du LHC, donc les 27 km de circonférence. De ce côté-ci, un mur, on a l'impression que ça s'arrête. En fait, de l'autre côté, il y a l'expérience Atlas. Et là, on voit donc comme un, comment on pourrait dire, une espèce de tuyau, pas très impressionnant, comme un tuyau d'eau, quoi. Puis tout autour, à fait, il y a des aimants rouges, c'est ça ? Alors, les aimants pour faire circuler les particules, et puis les tuyaux qui permettent de refroidir le LHC. Ici, c'est un tuyau unique, le tube à vide, avec les faisceaux de particules qui circulent dans les deux sens, dans ce même tuyau. Là, on est dans un même tuyau parce que c'est là où les particules, on va leur demander de se rencontrer, de se faire un accident, quoi. 100 mètres plus loin se trouve l'expérience. Donc effectivement, on va envoyer les particules, les deux faisceaux de particules, l'un sur l'autre. Et donc, ils doivent circuler dans le même tuyau. Ça fait un accident, comme vous dites, une collision de particules. Voilà, c'était donc au CERN de Genève le 17 juin 2008 dans la tête au carré avec un reportage de la journaliste de la radio suisse romande Cécile Guéret, et Magali Grueux qui est physicienne au CERN. Vous avez été détaché d'ailleurs du CEA pendant trois ans. Hein, oui. Pourquoi réfléchir à la machine avec d'autres? Dans l'équipe qui concevait la machine, notamment la dynamique du faisceau, qui n'est pas simple, hein, les protons vont à la vitesse de la lumière, ils circulent en sens inverse à des distances très faibles, et il fallait que tout ça soit mis dans le même aimant, donc le champ magnétique doit être inversé sur une distance très courte, alors que son intensité est très grande. Ouais. Et c'était quoi le programme exact de vos recherches alors sur le LHC? La dynamique du faisceau du LHC. Ouais. Et donc avec d'autres chercheurs du monde entier, évidemment, hein, tout le monde s'y est mis. C'était une petite équipe, hein, c'était avant la décision de faire le LHC, qui est intervenue un peu plus tard, en 93, si ma mémoire est bonne. À l'époque, on n'était pas sûr que la machine se ferait. Ouais. C'était une très bonne nouvelle pour la physique. Hein. Oui, puisque les Américains qui étaient sur un projet concurrent, le SSC plus grand, avaient abandonné. Et pourquoi? Donc, parce qu'il y avait des problèmes de coûts. Ils avaient peut-être visé trop. Et le CERN, lui, avait l'avantage d'utiliser les machines existantes comme injecteur de la future machine. Mmh. Et donc c'était plus économe, plus les équipes étaient déjà installées, alors que construire une nouvelle machine dans le désert du Texas, faire venir les physiciens, les ingénieurs, les techniciens, les familles, c'est pas si simple. Mmh. Il y a une bonne acceptation finalement de cette machine de la part même de la société et du public. Hein. Oui, il y a même un certain engouement pour les visites du CERN, par exemple, sont très demandées, notamment depuis le prix Nobel donné aux théoriciens qui avaient prédit la particule qu'on a découverte en 2012, le fameux boson de Higgs. Donc je pense que oui, le public est intéressé par la connaissance croissante de l'infiniment petit. Oui. Ce qui est étonnant, non, finalement. Pourquoi? Parce qu'une machine aussi grande qui coûte aussi cher pour étudier des choses aussi infimes, qui sont des choses tout à fait fondamentales, évidemment, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est difficile à concevoir. Oui, mais je pense qu'on est tous conscients que ces découvertes correspondent presque à des découvertes philosophiques. C'est-à-dire que le boson de Higgs, qui avait été prédit par des théoriciens dès 1964, détecté grâce au LHC 48 ans plus tard, change la façon de comprendre le lien entre matière et masse. Et donc si on prenait cette découverte au sérieux, ça changerait certains chapitres des manuels de philosophie. Mais est-ce qu'on pourrait construire une même machine aujourd'hui? Il y a un projet en Chine, il y a un projet en Europe, de faire une machine beaucoup plus grande, dont le LHC, pour ce qui est de l'Europe, serait l'injecteur. Un tunnel de 100 km qu'il faut creuser. Et toujours sous la frontière. Voilà, je ne suis pas sûr que l'enthousiasme soit le même. Ah, vous voyez. Donc les temps changent aussi, hein, quand même. Et pourquoi il n'y aurait pas le même enthousiasme aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous semble faire obstacle? Je pense que ça pourrait fournir un très bon thème pour la première émission de la Terre au carré. Eh bien voilà, on se donne rendez-vous donc fin août pour ça. En 2012, donc, le LHC a permis la première observation du boson de Brout, Englert et Higgs. Et on va écouter justement la voix de Higgs à l'occasion de l'annonce de cette découverte. C'était en juillet 2012. Ce fut une longue attente. Et comme je l'ai déjà dit à Genève, au départ, je n'avais aucune certitude qu'une découverte serait faite de mon vivant. Nous en savions si peu au départ, où trouver cette particule au sein d'une masse et jusqu'où devait pouvoir monter une machine à énergie avant que cette particule ne soit découverte. Au fil des années, la technologie de construction de machines à énergie s'est développée avec des engins de plus en plus performants. L'accélérateur de particules du CERN était suffisamment puissant en termes d'énergie et d'intensité de faisceaux à particules pour réaliser cette découverte. Je vais maintenant continuer à exercer les mêmes activités que je fais depuis que j'ai pris ma retraite. Le seul problème maintenant, c'est que je vais devoir éviter la presse. La voix de Peter Higgs en juillet 2012. Il y a eu plusieurs annonces d'ailleurs, parce qu'en juillet, en réalité, c'est le CERN qui annonce avoir identifié avec un degré de confiance de 99,1%. C'était le 4 juillet, les deux expériences du LHC ont présenté leurs résultats l'une après l'autre. Et quand on les met ensemble, on voit que c'est une découverte avec une très grande probabilité. C'est ça. Et ce qui était extraordinaire, c'est que Peter Higgs était dans l'amphithéâtre. François Englert était là aussi, s'était jamais rencontré. Incroyable. Alors qu'en 64, ils ont publié chacun un papier qui dit à peu près la même chose, à savoir qu'il doit exister cette particule. Ce qui est fascinant, c'est comment, à partir d'arguments théoriques, on peut prédire l'existence d'une particule qu'il est si difficile de montrer technologiquement par la suite. Oui. Est-ce qu'on va découvrir d'autres bosons aujourd'hui? C'est quoi le but de LHC, Étienne Klein, maintenant? Là, pour l'instant, toutes les particules prédites par ce qu'on appelle le modèle standard ont été identifiés. Et donc les autres, s'il y en a, sont des particules qu'on peut prédire à partir de tentatives d'unification de la physique quantique. Ça, c'est une très grande quête. La supersymétrie, etc., qui, elle, prévoit des nouvelles particules que, pour l'instant, on n'a pas vues. Ouais. Ou bien les particules de matière noire, qui sont aussi un grand défi pour le LHC. Ouais. Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir avec ces machines. Il faut aller voir. Parce que la physique, c'est une science expérimentale. Ouais. C'est à la nature de dire ce qu'il en est. Et la seule façon de connaître sa réponse, c'est d'aller la titiller. Ouais. Et en plus, on peut entrer, aller dans les profondeurs du LHC, que vous comparez quand il ne marche pas. Quand il ne marche pas, ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment. En ce moment, il est en réfection, on aménage pour la suite, afin d'avoir plus de luminosité. Ouais. Vous avez comparé le LHC à des œuvres de Vasarely, d'ailleurs. Il y a de ça un peu, hein, dans ces machines. Les gens qui visitent la machine, notamment les halls qui contiennent les expériences, quand ils entrent dans la grande salle, ont toujours un réflexe qui est d'ouvrir la bouche. Ouais. et d'émettre des bruits parfois, ou d'être muet, d'admiration. C'est un spectacle. Donc, si vous avez la chance d'être près de la frontière franco-suisse, allez au CERN visiter le LHC. Étienne Klein, on le disait tout à l'heure, ça a été une décennie absolument incroyable en découverte. Il y a quand même des choses très, très importantes. On vient de l'évoquer là ensemble. Qu'est-ce qui pourrait arriver là dans les prochaines décennies, à votre avis? La matière noire, l'énergie noire? Alors, on sait que si la matière noire existe, elle est constituée de particules qui ne sont pas celles que nous connaissons. C'est pas de la matière dite baryonique, c'est pas des quarks ou des électrons, etc. Et donc, si elle existe, elle est constituée d'autres particules. Et si on pouvait en découvrir une, ça serait extraordinaire. Ouais. Il y a un physicien qui m'a beaucoup intéressé, qui s'appelle Majorana. Il a disparu en 1938, dans des conditions mystérieuses. Ouais. Mais lui avait créé une équation qui généralise l'équation de Dirac et dont certaines solutions correspondent à des particules qui sont leurs propres antiparticules. Et certaines de ces solutions pourraient être des candidates pour la matière noire. Ouais. Et là, si c'était le cas, si elles étaient découvertes, ce serait la preuve qu'un physicien, en 1934, a résolu un problème dont l'existence n'était pas connue à cette époque. Et ce physicien-là en particulier, vous l'aimez beaucoup. C'est pas que je l'aime, c'est qu'il est fascinant. Mais vous vous intéressez énormément. Voilà. Alors en tout cas, on attendra. Il y aura peut-être d'autres têtes au carré plus tard. En attendant, on peut lire « Qu'est-ce que la gravité ?» C'est le grand défi de la physique. Et puis on vous retrouve également samedi sur France Culture pour la dernière de la conversation scientifique. Consacrée à la conquête de la Lune. Voilà, et ce sera de 16h à 17h. Etienne Klein. Je vous souhaite bonne chance pour la suite de l'histoire de la Terre au carré. Merci Etienne Klein. À bientôt, et demain c'est Irène Frachon qui sera à votre place.